طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans notre troisième ders de Al-Mabadi Al-Mufida. La dernière fois, on avait pris quatre questions. Man khalaqak, qui t'a créé? Allah. Qui est ton Seigneur? Man rabbuk? Allah. لماذا خلقك الله؟ Pourquoi Allah t'a créé؟ لعبادتي. Son adoration. ما دينك؟ Quelle est ta religion؟ Islam. الآن سنواصل. On continue. قال السؤال الخامس. Cinquième question. إذا قيل لك من نبيك؟ S'il te dit qui est ton prophète؟ فقل نبيي ونبي هذه الأمة جميعا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc si tu dis qui est ton prophète, dis mon prophète et le prophète de toute cette communauté, c'est Mohammed, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mohammed, la preuve c'est dans le verset, dans le sens où elle a dit Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes. Encore que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le Nabi Yabardi, le plus prophète après moi, et le dernier des envoyés. Le premier envoyé qui était un prophète, c'était Adam alayhi sallam. D'accord, mais c'était pas un messager. Et le dernier, après cette dynastie d'envoyés, qui est un messager et prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui était avant lui, c'était Isa. Et entre les deux, il y a eu 600 ans. Entre Isa alayhi salam et Mohammed, il y a eu 600 ans. Et les hadiths montrent qu'il n'y a eu aucun envoyé entre les deux. À savoir que tous les prophètes après Ibrahim, sont de sa descendance. Après Ibrahim, tous les prophètes envoyés sont de sa descendance à lui. Soit de Ishaq, qui sont des Bani Israël, soit de Ismaïl, qui est Mohammed le seul, qui est l'arabe. Et avant Ibrahim, ils sont tous de la descendance de Nuh, alayhi salam. Et Nuh, bien sûr, descendance de Adam. Car à la base, tous les hommes sont descendants de Adam. ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dans le sens où Allah dit, il est, c'est-à-dire Allah, celui qui envoya aux illettrés, c'est-à-dire les Arabes, car ils n'avaient pas de livre en fait. Les Arabes, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, n'avaient pas de livre. Ils ne savaient pas lire et écrire. Tout ce que c'était du hifz, du par cœur. Qui envoya aux illettrés un messager d'entre eux qui leur récite ces versets, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans ces égarements évidents. Wa min al-adilla kadhalik. C'est quoi adilla? Andak. Ça veut dire quoi adilla? On l'a dit la dernière fois. Adilla, c'est le pluriel de C'est quoi le singulier de Adilla? Dalil. Ah oui. Ah, c'est un mot qu'on répète souvent, ça, Dalil. Ah oui. Non. قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles et suivez-le afin que vous soyez guidés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'islam khas. Car on avait déjà dit auparavant que tous les prophètes ont appelé à l'islam. Et il était illettré. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et cela constitue justement un argument, un miracle pour les gens pour dire que le Coran, il n'a pas pu l'avoir écrit de lui-même. Il ne savait pas lire, ni écrire. Et cela révèle du miracle, comme on l'a expliqué. Après, quand on dit l'umma l'ummiya, la communauté illettrée, cela ne veut pas dire que personne ne savait lire parmi eux. Ça veut en premier lieu dire une communauté qui n'a pas reçu de livre. Aucun livre ne leur est venu. Parce que parmi les Arabes, ils savaient lire et écrire. Quand le Coran descendait, les Sahaba l'écrivaient pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des yani, kutab al-Qur'an. Ils savaient lire et écrire, eux. D'accord ? Beaucoup ne savaient pas lire et écrire, mais d'autres savaient le faire. Ce n'était pas dans l'absolu. Mais ce qui veut dire, principalement par al-umma al-ummiya, d'accord, c'est une communauté qui n'a pas reçu de livre révélé. Azam. Donc le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, c'est le prophète et le messager d'Allah. Venu pour tous les hommes, comme cela va venir. السؤال السادس سيزم كاستيون فإذا قيل لك ما أول واجب على العبد si on te demande quelle est la première chose obligatoire au serviteur فقول تعلم توحيد الله عز وجل dit c'est l'apprentissage de l'unicité d'Allah. Alors là dans l'application ils ont oublié de mettre le dalil. Dans l'application, ils ont mis ni en arabe ni en français le dalil de cette mas'alala. Et en fait, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az ibn Jabal au Yémen. Qala lahu innaka lataqdumu ala qawmin min ahli al-kitab. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى متفق عليه. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, tu vas certes te rendre auprès d'un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah. Donc tu les appelles au Tawhid en premier lieu. Car tout acte, on avait expliqué dans Al-Qawaid al-Arba', que tout acte qui n'est pas basé sur le tawhid, c'est comme une salade qui n'est pas basée sur la purification. Donc c'est quoi son jugement ? Baratil. Elle est nulle. Donc, les gens, quand ils rentrent en islam, il faut les appeler par le tawhid, afin que ce qu'ils fassent par la suite soit accepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ils sont dans le shirk, ils ne seront pas acceptés. Wa zakat akhazna hadha fil usul salatha. On l'a pris ça au début. Les quatre choses à connaître dès le début. Maza kunna fil awwal, al-ilm, le savoir. Thumma, al-amalu bih, après l'appliquer. Thumma, al-da'watu ilayhi, thumma, appeler à ce savoir. Rabi'a, tu te rappelles du quatrième? On l'a dit déjà, c'est son deuxième appliqué. Troisième, c'est patienter. Quatrième, c'est patienter. Premier, savoir. Deuxième, application. Troisième, appel. Quatrième, affronter. Et Kazalik, ce qu'a dit l'imam Bukhari, comme Dalil, cette masala, il peut venir ici aussi. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Et sache qu'il n'a aucun adoré digne de l'être en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Donc il a dit fa'alam, en premier lieu, sache. Al-Tawhid. Ce dalil-là pourrait également convenir dans cette question. Non. Donc le premier wajib, et c'est aujourd'hui malheureusement l'une des choses qui est le plus délaissée lorsque les gens font da'wah. On voit plein de gens aujourd'hui faire da'wah sur les réseaux ou partout ailleurs, ils parlent quasiment jamais de tawhid. Jamais, ils parlent de plein de choses, bon comportement, le couple, le mariage, le divorce, le travail, kaza. C'est des choses qui sont fortes de l'islam, non. Mais ce n'est pas plus important. on laisse le tawhid, que la personne soit sur une aqida, parce que quoi qu'il fasse comme acte de bien, s'il n'est pas sur le tawhid, il sera vain. Il sera amené à s'égarer, à se perdre. Donc, faut insister grandement sur ce point-là. Les gens disent, c'est que le tawhid, c'est que le tawhid. Yom al-Qiyama, il n'y a que ça qui aura la valeur. On lui dit, il n'y a que ça qui aura la valeur auprès d'Allah Azzawajal. Même ta salade sur tawhid, elle ne sera pas valide. Donc, on a que ça, on a le plus important de donner. Ada ahamma yakun. Il faut toujours le répéter. Toujours le répéter. Parce que les gens disent tawhid, tawhid, des fois, tu poses des questions sur le tawhid, tu vois qu'il y a une défaillance au niveau du tawhid. Il y a des questions, elles ne sont pas assimilées. T'as des gens, ils font des choses, ils disent des paroles, c'est pas assimilé. Tu vois? Dans leurs expressions, les gens disent des choses, c'est pas assimilé. Tu vois, le tawhid, c'est pas là. Le shirk est présent. La superstition, elle est présente. Tu vois? Tout ça, c'est présent. Pourquoi est-ce que le tawhid, c'est pas assimilé? Wallah azbillah. Thumma qal. Fa idha qila lak. Ma ma'na la ilaha illallah. Si on te demande quelle est la signification de la ilaha illallah. Faqul ma'naha la ma'bouda bihaqqin illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ça veut dire nul adoré digne de l'être si ce n'est Allah. Car ilah, le mot ilah, souvent traduit par divinité, par Dieu, son sens littéraire, c'est adorer. Al-ilah, wal-ma'lou, wal-ma'boud. Ma'boud, ça veut dire quoi, l'adorer? Donc on peut le dire de différentes façons. On peut dire, il n'y a pas d'adorer légitime en dehors d'Allah, ni le Dieu en réalité, ni notre adoration à Allah, kaza. Mais le mot adorer, il paraît plus clair. Car des gens traduisent la ilaha illallah comme il apparaît. Disent pas de Dieu en dehors d'Allah. On dit les divinités, il y en a d'autres, mais elles sont fausses. Elles sont fausses. Allah, il a bien dans le Coran qu'il y a deux divinités qui existent, mais elles sont fausses. C'est ça que ça veut dire. Et également, la ilaha illallah, il y a deux piliers. On l'a pris dans Usul Salatha. La ilaha, qui veut dire nul adoré digne de l'être, ça c'est la négation. Il n'y a pas. Après on dit illallah, sauf Allah. Ça amène justement à l'exclusivité. C'est ça l'unicité. Tu ne peux affirmer une chose exclusive sans renier tout ce qui s'y oppose. On avait donné l'exemple. On va dire Ja'a Zayd. Zayd est venu. D'accord? Zayd, il est venu. C'est-à-dire qu'on affirme que Zayd, il est là. Est-ce que cette phrase suffit à dire que seul Zayd est venu? Non. Parce que déjà, Ja'a Zayd, la'alla Muhammadan jama'ahu, wa Ibrahim, wa Yahya, wa Zakariya, wa Fulen. Il se peut que d'autres personnes soient venues avec lui. Mais si on te dit, ma Ja'a, illa Zayd. Personne n'est venu, hormis Zayd. Là, à ce moment-là, tu sais qu'il y a que Zayd qui est venu. Donc, pour une chose exclusive, tu es obligé de renier toute chose en dehors d'elle et affirmer celle-là toute seule. Donc là, il y a deux piliers, la négation et l'affirmation. Négation pour tout ce qui s'oppose à cela et l'affirmation de l'exclusivité à cette chose-là. C'est quoi la preuve que la ilaha illallah, ça veut dire ça? C'est le verset où Allah il dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » et sache donc qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Là, dans l'application, ça a été mal traduit. Cette traduction-là, elle est incomplète. Dire qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est incomplet de dire comme ça. Littéralement parlant, ça se traduirait comme ça. Mais au point de vue du sens voulu, ce n'est pas ça que ça veut dire. En arabe, on ne traduit pas au sens apparent. On traduit au sens voulu. Car ça pourrait induire en erreur dans beaucoup de, pas mal de choses. Et sa parole, ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ وَالْحَقِّ وَنَّمَا يَدُونَ مِنْ دُونِهِ وَالْبَاطِلِ. Ceci car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Donc ça là, ça revient à expliquer le sens de la ilaha illallah. Et plein de gens sont partis loin pour expliquer la ilaha illallah, ils sont tous partis dans l'égarement. Le sens de la ilaha ce qu'on vient de dire là maintenant. طيب سنكمل الآن. نعم نعم. ثامنا نقول فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله. Si on te demande quelle est la signification de Mohammed et le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce une parole vaine qu'on prononce sur le bout de la langue comme ça? فقول معناها أنه رسول الله إلى الناس كافة من الجن والإنس. Cela signifie qu'il est le messager d'Allah à l'ensemble des gens. Les djinns et les humains. Quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on atteste, on reconnaît, on admet et on y croit. Et bien sûr, on agit en conséquence. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. « Amarsalnaka ila kafatan linnas » Et nous t'avons envoyé à l'ensemble des gens. Et c'est pour tout le monde. On avait expliqué auparavant que ça, c'est parmi les khasa'is du Nabi, parmi ses particularités, qu'il est envoyé à tous les hommes. Contrairement aux autres prophètes qui ont envoyé seulement à leur peuple. En particulier, lui est envoyé à tous les hommes et les derniers des prophètes. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلت إلى pareil dans l'application là il manque le hadith أرسلت إلى الخلق كافة que j'ai été envoyé à toute la création et là ce qui est voulu par la création c'est les mukallafin les gens les ceux sur qui ça s'impose les charges religieuses. D'accord ? C'est-à-dire les djinns et les hommes. Ceux qui rendront des comptes au Melkiyama et qui seront rétribués soit par le feu, soit par le Jannah. Et ça veut dire quoi également ? وَيَجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا طَاعَتُهُ وَتَصْدِيقُهُ وَشِنَابْ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. Ça on l'a pris dans Rasul Salafa. Qu'il est obligatoire à nous tous les hommes, et tous les djinns doivent lui obéir et doivent le croire dans ce qu'il dit et doivent s'écarter de tout ce qu'il interdit. Toi, ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Nabi sallam, "Man takou anil hawa in huwa illa wahyun yuha", qui ne prononce pas sur le fait de la passion et ce n'est qu'une révélation qui lui a été inspirée. C'est-à-dire quand il parle de Nabi sallam dans le tablir, dans la retransmission, il parle sur la révélation, il ne parle pas de lui-même. Donc de revenir à mettre en question sa parole reviendrait à démentir Allah Azzawajal. Et cela serait du kufr. On doit le croire dans ce qu'il dit. Quand on a un hadith qui est authentique, qui est reconnu authentique, on doit le croire. On ne fait pas passer notre raison. On dit, ouais, mais ce hadith-là, il contredit la science, il contredit telle et telle chose. On dit, ma alek min hada, da'an ka hada, délaisse tout ça là. Si le hadith est authentique, il n'a même pas discuté. Donc, on a samina wa ta'ana. Nous avons entendu, nous avons obéi. Et nous croyons. Wa dalil qawlu ta'ala. قُلْ أَتِيعُ اللَّهُ وَأَتِيعُ الرَّسُولُ. Et la preuve, c'est la parole d'Allah, ce qu'il dit, il dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. وَعَنْ نَبِي وَرَيْرَةَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Il a dit, le Nabi صلى الله عليه وسلم, ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, faites-le selon votre capacité. Donc on doit lui obéir. Ce qu'il a interdit, on doit le délaisser. C'est même pas délaisser, on doit s'en éloigner. C'est même pas que tu te délaisses, c'est que tu t'en éloignes. Pour être sûr qu'il y aura une distance entre toi et cet interdit. Est-ce qu'il a ordonné ? Fais comme tu peux. Parce que des fois, les choses ne sont pas réalisables. Dans certaines situations. Donc à ce moment-là, tu prends l'étape qui t'a été facilitée en religion. Et il a dit, quand la ta'ala... عَذَبَ وَعْدَ الرَّحْمَنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Ceci est ce que a promis le tout miséricordieux et les messagers ont été véridiques. Bah pareil dans l'application, là il y a des bugs, ils n'ont pas mis le hadith en arabe également. Le hadith d'Abu Huraira, il n'est pas cité dans l'application. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui, les quatre questions, qui est, quelle est la première chose obligatoire pour le serviteur de connaître ? C'est d'apprendre le tawhid. Deuxième chose, Quel est le sens de la ilaha illallah? C'est le sens, c'est la ma'boud bihaqin illallah. Nul adoré légitime en dehors d'Allah. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah, ce n'est pas mérité, c'est faux. Mais les adorants en dehors de lui, il y en a. Des dieux, des divinités en dehors de lui, il y en a. Mais elles sont fausses. Et on a appris également, on a oublié de dire qui est ton prophète. Non. Qui est ton prophète, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la signification de Mohammed et le message d'Allah? Que veut dire Mohammed Rasulullah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit éviter tout ce qu'il a interdit et obéir à tout ce qu'il a ordonné et croire dans tout ce qu'il a dit. Et qu'on ne peut adorer Allah sinon qu'avec ce qu'il a apporté comme enseignement. Non. فَعَذَا الَّذِي أَخَذْنَا الْيَوْمِ وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ